Artus celestor enement, fut navré cel corps mortellement. Si l'histoire ne ment, Arthur fut blessé mortellement en son corps. En Avalon se fit porter pour ses plaies médicinaires. Se fit porter en Avalon pour soigner ses plaies. Encore y est, Breton l'attendent. Il y est encore et les Bretons l'attendent. Si comme ils disent et entendent. Si comme ils disent et comprennent. De là viendra encore puisse vivre. Il reviendra de là et il se peut qu'il vive encore. Qu'il y a des gens qui croient que Arthur va revenir. Que Arthur est occulté, il est emmené en Avalon et lui dit. Il y a des Bretons qui attendent le retour d'Arthur. Et le contexte est assez intéressant parce qu'on a une période où les nobles de l'Angleterre parlent une langue française, et donc c'est assez compréhensible qu'on ait quelqu'un comme Wasse qui fasse une adaptation de Geoffrey en français, mais du coup, ça a aussi des conséquences sur comment est-ce qu'on peut interpréter quelqu'un comme Lachman qui se met à en faire une version anglaise. Bute, huile wes an witeye, merlin e harte, e bode de midwarde. Donc cette dernière phrase. Mais il y avait une fois un prophète nommé Merlin donc, qui a prophétisé et ses paroles étaient vraies. Qu'un Arthur devrait une fois encore venir aider les peuples d'Angleterre. Mais qu'est-ce qu'ils foutent ces contes saxons? Je croyais qu'ils devaient être là à l'aube. Norman bastards! Mort de ma vie! If they march along unfought withal, I will sell my dukedom to buy a slobbery and a foggy farm in that nook-shotten isle of Albion. Là, c'est une table ronde pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon, autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde? Encore une chance qu'on ne soit pas fait construire un buffet à vaisselle. Hein. Non, moi je voulais faire grec moderne, mais il n'y avait plus de place. Il restait que burgonde ou anglais. Anglais. Mais c'est encore moins répandu. Rex condam, rexque futurus. Épisode 4, Arthur in translation, les brutes de Wasse et Lachman. Alors bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam, Rexque Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui on va vous parler de quelque chose de très proche de ce qu'on vous a parlé la dernière fois avec Geoffrey. Ce sont des gens qui vont principalement adapter son œuvre, le traduire en français ou en anglais pour parler vite. Ouais exactement, on va s'intéresser à la mise en vers et à la mise en langue romane et germanique de la version latine de Geoffrey avec notamment les deux principaux, c'est Wasse et son roman de Brut et Lachman avec son Brut. Et le contexte est assez intéressant parce qu'on a une période où les nobles de l'Angleterre parlent français, enfin parlent anglo-normand, parlent une langue française, et donc c'est assez compréhensible qu'on ait quelqu'un comme Wasse qui fasse une adaptation de Geoffrey en français, mais du coup, ça a aussi des conséquences sur comment est-ce qu'on peut interpréter quelqu'un comme Lachman qui se met à en faire une version anglaise, ce qui est un peu du jamais vu, puisque jusque-là, les Saxons, les Anglais, c'est les méchants envahisseurs qui viennent détruire le royaume arthurien. Voilà, Arthur est jamais mentionné dans les textes en anglais, même comme adversaire, c'est assez inédit. On arrive aussi à une époque où, déjà, Arthur s'étend déjà en dehors du gallois, enfin, en dehors des langues celtes, puisque c'est l'époque où Chrétien de Troyes commence à écrire ses romances. Enfin, ses romans. On vous parlera d'ailleurs de Chrétien de Troyes dans les épisodes à venir. Voilà. Et il y a aussi, finalement, cette dimension que ces chroniques, cette littérature arthurienne concentrée sur l'histoire d'Arthur, va petit à petit, pas, je dirais, disparaître, mais elle va perdre de l'importance après Wasse et Lachman. Et on va commencer à s'intéresser plus aux aventures fantastiques qu'on peut raconter sur Arthur et ses chevaliers qui vont errer, faire des exploits individuels, plutôt qu'à ces grands récits de guerre, d'histoire, de géopolitique européenne arthurienne. Bon, ça sera quand même c'est quand même quelque chose qui va rester en arrière-plan, c'est-à-dire que c'est un peu le chablon sur lequel on va dessiner les. Voilà, exactement. Non, ça reste un fond et ça reste quelque chose qui va faire peut-être plus surface à la fin du XIVe siècle, quand on va avoir des grands narratifs. Comme le Perceforêt, par exemple. Ou comme les Mortes et Arthur, que ce soit la version, les versions vulgates ou les versions anglaises. Et dans un autre registre, à partir de Robert de Boron, on a le début des cycles du Graal, où on a un espèce de récit sur le Graal arrive dans le royaume, comment est-ce que Arthur monte sur le trône, comment est-ce qu'on va sauver le royaume après la chute d'Arthur. Exactement, un récit qui combine à la fois des éléments issus des romances, enfin je dis toujours des romances, hein, mais en français c'est des romans bien sûr, de ces histoires arthuriennes plus aventurières, et de cette dimension plutôt géopolitique, mais c'est vraiment les derniers textes où on va attacher autant d'importance aussi mine de rien, on va pas beaucoup l'en mentionner dans l'épisode, mais aux éléments pré-arthuriens. Wass et Lachmann, c'est un peu les derniers qui en font régulièrement, ouais. Qui intègrent, disons, ça. On va avoir des chroniques qui vont mentionner l'histoire de Brutus, qui vont mentionner le règne d'Arthur, mais elles perdent petit à petit leur importance dans le milieu arthurien. Elles servent un peu à un autre propos, si on veut. Les aventures d'Arthur sont mentionnées, mais elles sont pas, on va pas beaucoup en parler, ces textes, peut-être faire un épisode spécial une fois à l'occasion, mais à partir du 13e, 14e siècle, il faut quand même perdre beaucoup d'importance dans le mythe arthurien et vont plutôt être utilisés comme outils historiques. Wass et Lachmann, c'est encore l'époque où Arthur est vraiment très très intégré à cette continuité historique, ce qui va petit à petit disparaître dans le grand ordre des choses, disons. Parce que même, je pense, le meilleur exemple, enfin, un des derniers et des meilleurs exemples de cette tradition des chroniques, c'est justement le Perceforest, qui est le plus long texte en moyen français, je crois qu'il est quand même monstrueux comme texte. Mmh. Mais même lui, par exemple, il reprend pas l'histoire à Brutus, mais en fait, il commence avec des généraux d'Alexandre le Grand qui fondent une proto-chevalerie. Mmh. Donc même ça, qui est un peu un des exemples tardifs, qui est clairement dans la même veine que ce qu'on va voir là, il fait une tradition différente, en fait. Donc ça, c'est un peu la fin de cette branche qui a commencé avec Geoffrey, mais qui va rester en arrière-plan du reste. Et puis qui reste en circulation du reste, parce que c'est pas parce que c'est les derniers à vraiment beaucoup écrire, à être largement diffusés, enfin, ouais, ils vont être encore lus encore aujourd'hui, disons, parce que c'est pas pour dire que cette tradition disparaît, effectivement, mais pour nous, dans notre compréhension arthurienne moderne, c'est un peu une parenthèse qui se met là, ou en tout cas une sourdine qui se met sur cette espèce de tradition des chroniques dans le grand ordre des choses. Elle reste importante, Wass circule toujours, Geoffrey va quand même toujours circuler, mais c'est un peu une étape finale pour ça avant la codification du grand mythe arthurien. Alors, on va commencer par vous parler, la dernière fois on vous a parlé de Geoffrey de Monmouth, c'est son historiarium britannique, et là on va aborder des traductions, des gens qui adaptent ce travail dans d'autres langues, des langues vernaculaires. Là on va voir des gens pour commencer qui adaptent en langue française, pour parler vite, donc ça va être surtout de l'anglo-normand. Donc au XIIe siècle, il y a un certain Geoffrey Guymard qui a écrit une certaine version de l'histoire de Geoffrey, l'histoire des Anglais, mais qui n'est pas exactement le même focus. En fait, il écrit l'histoire des Anglais, il en fait plusieurs parties. On les distingue parfois comme des sagas séparées, mais en fait, c'est surtout les éditeurs qui les voyaient comme ça, parce qu'il n'y a que la dernière partie qui a survécu, qui s'appelle justement l'histoire des Anglais, qui est largement l'adaptation de la chronique anglo-saxonne et quelques autres sources sur les anglo-saxons en eux-mêmes. Donc, il parle des anglais-anglais. Voilà, exactement, des bons anglais. Enfin, des bons anglais. Des anglais des à proprement parler. Anglais, voilà, pardon. Exactement. Des anglais à proprement parler qui ont été conquis par les Normands. Alors qu'il avait écrit, on le sait, une histoire des Bretons, justement, et une histoire peut-être avant des Romains. Enfin, il commence assez tôt il commence avec les Argonautes, il me semble. Cette histoire, ces parties intermédiaires avant l'histoire des Anglais ont été perdues, en fait. Ouais. Donc, on peut dire que c'est soit l'histoire des Bretons, soit le prélude de l'histoire des Anglais. On sait que c'était pas forcément le plus long, hein. L'histoire des Anglais est assez longue comparée au reste. Il semblerait que la chronique basée sur Geoffrey de Monmouth n'ait pas été le focus principal pour Guymard. Et aussi, il semble que c'était probablement pas une traduction qui était très bien faite, peut-être qu'elle était un peu trop littérale, et du coup, dans certains manuscrits, on a l'histoire des Anglais qui fait la fin, et le début a été remplacé par celle de Wass, en fait, qui était beaucoup plus populaire. Mais justement, Wass, c'est peut-être le gros morceau quand on parle de traduction française de Geoffrey de Monmouth. Alors, c'est un gros morceau, donc Wass, c'est un Normand qui est né à peu près en 1110, qui serait mort peu après 1174, donc il vit au XIIe siècle. Il a écrit, il est connu pour ses écrits hagiographiques, donc des vies de saints. Il a fait une vie de Saint-Nicolas, qui est très connue. Il nous parle du miracle des trois clercs qui sont ressuscités après avoir été tués par le boucher, notamment. Une vie de Saint-Marguerite, une conception de Notre-Dame, donc la Vierge Marie. Il a aussi écrit deux textes qui sont plus intéressants pour nous. Un qui parle de l'origine de la Normandie, en fait. Donc vous savez, la Normandie, ça vient de Northmen, les hommes du Nord. Elle a été fondée par des chefs vikings. En fait, les vikings faisaient des incursions en France. Et puis le roi Charles le Saint, au début du Xe siècle, comme il n'arrivait pas à contenir les vikings, il a dit « Ok, je vous donne ce royaume, vous le défendez pour moi, mais comme ça va peut-être limiter le truc. » Et donc, Wass a écrit un roman de Roux. Roux, c'est Rollo, le chef viking qui aurait fondé... Rollon en français, qui aurait fondé la Normandie. Donc ça, il a écrit un roman de Roux et un roman de Brut. Alors Brut, cette fois, c'est Brutus. Donc on l'a vu, l'ancêtre mythique des Bretons, fondateur de la Britannia. Il écrit un roman de Brut qui est donc une traduction de Geoffrey de Monmouth, l'historien dragon britannier. Une traduction, une mise en vers aussi, hein, parce qu'on sait qu'il y a des versions vernaculaires qui circulent en prose, des versions latines de Geoffrey qui circulent en vers déjà, donc une mise en vers de la prose de Geoffrey. Il y a des versions françaises en vers et on sait qu'il y a des versions vernaculaires en prose qui sont moins courantes et qu'on connaît mal, mais enfin, il y en a aussi, ça existe aussi, mais en l'occurrence pour Wass, c'est du vers. Donc c'est les deux innovations. C'est un roman. Les deux innovations premières de Wass, c'est justement, c'est un roman, c'est en vers, c'est de la poésie, et c'est en anglo-normand, donc pour parler vite, c'est en français, c'est une langue française assez lisible, franchement. L'anglo-normand est assez proche, beaucoup du français médiéval qui a survécu est d'anglo-normand. Typiquement, la chanson de Roland survit uniquement dans cette version-là. C'est une langue qui est assez proche du français du nord de la France ou de Paris, qui va donner naissance au français moderne, donc on est vraiment dans une langue d'Oyle, tout ce qui est de plus Welle, ancêtre de notre langue française actuelle. Assez proche. Et donc, on va pas vous refaire l'histoire. L'histoire, globalement, c'est l'histoire de l'histoire de Régum Britannier. C'est les mêmes épisodes, c'est les mêmes personnages. Il en compresse ou il en étend d'autres. Et il y a quelques innovations. Et je vais vous parler maintenant de ce qui apparaît chez Wass, qui est peut-être plus intéressant. Une innovation significative, c'est la table ronde. Alors, c'était peut-être pas grand-chose à l'époque quand il l'a fait, parce que c'est quelque chose qui était certainement déjà en germe. Cette idée qu'Arthur, c'est un roi qui attire des aventures, qui attire des chevaliers de renom, qui ont envie de venir à sa cour, c'était certainement là. On l'a vu chez Geoffrey, il y a des conseils de guerre avec des grands... c'est une liste de chevaliers, d'hommes célèbres qui viennent le rendre visite à la Pentecôte, chez Geoffrey, même avant, pendant les 12 ans de paix, pour l'aider à conquérir la Bretagne ou la Gaule. C'est déjà une assemblée de guerriers assez nobles, et c'est quelque chose qui remonte très loin, on l'a vu aux légendes galloises originelles. Mais là, il nous invente la table ronde, il nous donne un épisode où il y a tous ces barons, ces chevaliers, ces nobles qui s'affrontent, leurs égaux en fait entrent en collision, et ils veulent tous avoir une place d'honneur, ils veulent pas être dans un coin, ils veulent tous être en bout de table. Et donc on fait construire une table ronde pour qu'il n'y ait pas de place d'honneur et que tout le monde puisse être assis autour de la table et égaux. Donc il y a déjà cette idée, c'est là qu'apparaît cette idée en fait d'une communauté de chevaliers qui sont tous entre pairs, qui sont tous entre égaux et qui n'ont pas de prééminence malgré qu'ils aient bien sûr des rangs plus ou moins nobles et plus ou moins royaux. Un deuxième changement, c'est qu'on avait parlé des prophéties à Merlini, ces prophéties de Merlin assez obscures. Wass, il dit clairement qu'il ne les comprend pas. Il dit « je les enlève parce que je vais pas les mettre ». Il garde certaines prophéties. Hein, quand Merlin prédit la grandeur d'Uther et la grandeur d'Arthur, il y a quelques prophéties dans le fil du récit qui restent. Il garde ce don de prophétie, mais les prophéties à Merlini, donc ce chapitre purement prophétique, il l'enlève. Un troisième changement, enfin c'est pas forcément un changement, mais c'est... il reconnaît en même temps qu'il nie une part du folklore surnaturel autour d'Arthur. Alors surnaturel est peut-être pas le bon terme, mais disons le merveilleux autour d'Arthur. Si j'essaie de vous traduire un passage en parlant plus ou moins, en modernisant l'anglo-normand, ça donnerait, autour des vers 9787, « En ce grand pays que je dis, je ne sais si vous l'avez oui, furent les merveilles prouvées et les aventures trouvées, qui d'Arthur sont tant racontées, qui à fables sont à tourner, donc dont on en fait des fables. » Et il dit ensuite « Tant ont les conteurs compté, et les fableurs ont tant fablé, pour leur compte embellé, donc pour embellir leur compte, que tout ont fait fable semblée. » Donc ils ont tellement raconté d'histoires sur Arthur, que maintenant on n'a que des histoires fantasques et pas très sérieuses. Donc il reconnaît qu'il y a cette manne de folklore et d'histoires un peu fabuleuses, mais en même temps il nous dit que c'est devenu un peu n'importe quoi. Et lui il s'inscrit dans la tradition des chroniques, il se veut historique. Je vous rappelle, c'est Geoffrey est vu comme historique, ou en tout cas le plus historique qu'on puisse avoir. Donc il essaye de se distancer un peu de ce folklore en même temps qu'il le reconnaît. Un autre point qui était déjà en germe chez Geoffrey, c'est qu'il note explicitement l'infertilité de l'union de Arthur et Guenièvre. Donc il nous dit « ils n'ont pas d'héritier », contrairement à la tradition antérieure. Là, il nous dit clairement, il pointe ça comme il le pointe dans son récit. Et un autre point encore, qui est peut-être assez intéressant, c'est que lui, contrairement à Geoffrey, qui était assez vague, il reconnaît qu'il y a des gens qui croient que Arthur va revenir, que Arthur est occulté, il est emmené en Avalon, et lui il dit, il y a des Bretons qui attendent le retour d'Arthur. Cette croyance d'Arthur qui va revenir, donc le roi une fois, roi dans le futur, il en est témoin. Il dit explicitement en anglo-normand, « Et de la Gent, Arthur la flore, Eli plus forte, Eli melor, Artus celestor et ne mente, fut navré sel corse mortellement, en Avalon se fit porter, por ses plays médicinaires, encore y est, Breton l'attende, si comme il dit et entendant, de là vendra, encore puit vivre, maître Gas qui fit ce livre, n'en vaut plus dire de sa fin, quand dist li prophètes Merlin, Merlinst dist Tartus si haute druite, que sa fin d'autose se ruite, li prophète di vérité, tostans en a l'homme puisse doter, et dotera se cruis, tos dis, où il souhaite mort, où il souhaite vis, porter ce fist en Avalon. Il dit donc, si j'essaie de traduire grossièrement, si l'histoire ne ment, Arthur fut blessé mortellement en son corps, se fit porter en Avalon pour soigner ses plaies, il y est encore et les Bretons l'attendent, si comme ils disent et comprennent, il reviendra de là et il se peut qu'il vive encore. Et il dit, Maître Gaz, donc moi-même qui fis ce livre, je ne vais pas en dire plus que ce que dit Merlin, je vais simplement dire que sa fin douteuse ce roi, donc que sa fin serait douteuse, donc c'est pas sûr qu'il soit mort. Donc oui, il y a cette notion qui va être, qui a un doute. Gas, donc Wass ne le sait pas exactement, il ne fait que citer Merlin et dit voilà ce qu'ils disent. Cette dimension eschatologique en fait assez intéressante, mais c'est vraiment une innovation pour l'époque. En plus, je pense que c'est encore plus évocateur qu'ils le présentent de façon douteuse en fait, qu'ils nous disent on doutera toujours de si Arthur est vivant ou mort, mais toujours est-il qu'il se fait porter en Avalon. Il garde ce doute et j'ai l'impression que c'est aussi un effet littéraire de sa part, de laisser cette espèce de mystère. C'est d'autant plus puissant que lui, justement, décrit les histoires de mythes et de légendes, les histoires fabuleuses, ces romances, en fait, ces histoires qui ont commencé à circuler à l'époque, qui sont en partie probablement celles de chrétiens, c'est à cette époque-là, plus ou moins, que chrétiens écrit aussi. C'est aussi, il a probablement des précurseurs aussi, des histoires qui commencent à circuler. Outre Geoffrey qui circule à l'écrit, bien sûr, et qui va sans doute être lu, il y a clairement des romances qui commencent à circuler, et c'est ça qui vise, en fait. On le verra peut-être plus quand on parlera de Chrétien de Troyes, hein, mais les scribes qui vont recopier Wass vont pas hésiter allégrément... y insérer, en fait, il y a un manuscrit assez célèbre, je vous le mentionnerai peut-être plus en détail, mais qui a notamment Wass, qui altère légèrement le texte de Wass pour dire, voilà, Wass ne raconte pas l'histoire, mais si vous voulez les lire... Vous pouvez aller... Non, même pas, vous pouvez aller, voici les histoires dont on vous parle, et c'est en fait, il cite à la suite tous les romans de Chrétien de Troyes, il les écrit à la suite, au milieu du manuscrit, et ça forme le milieu, et après, à la fin des romans, on revient avec la fin, ça s'inscrit toujours dans cet emplacement des 12 ans, en fait, là, à la fois la mention de la table ronde, et la mention qu'il y a des histoires qui circulent sur Arthur à l'époque, qu'il a fait tel ou tel prodige, mais que moi, l'historien sérieux, je m'en lavais les mains. Et ça rend peut-être un peu plus puissant encore cette assertion qu'Arthur va peut-être revenir un jour, oui, parce que finalement, c'est... Qu'il rejette les prophéties de Merlin, il nie une part des fables qu'on raconte sur Arthur, mais il témoigne quand même de cette dernière croyance-là sur le retour d'Arthur. Comme il rejette d'autres éléments... merveilleux, ça donne à celui-là peut-être plus d'importance. Oui, ça le met en évidence, d'autant que c'est lui qui l'insère, quoi. Il dit pas voilà ce que dit exactement Geoffrey, il dit pas voilà. Il dit c'est vraiment il renvoie à Merlin. Et ça, je trouve, c'est assez intéressant en l'espèce. Mais c'est vrai que c'est un peu ce statut aussi entre deux. C'est un clerc, hein, mais il est plus connu pour ses écrits, donc c'est vraiment un écrivain. Il écrit à la cour, c'est Larman qui nous le dit, mais il présente son œuvre à la reine, à Aliénor. Il va vraiment être dans une dimension d'intégration finalement des Normands à cette mythologie arthurienne. Peut-être plus, on l'a mentionné quand on mentionnait Geoffrey, c'était peut-être un peu à l'esprit. Là, ça me semble assez clair que c'est une histoire vue pour être, pas tellement dans son contexte ou son texte, mais vue pour être dite et transmise aux Normands. Aux Français qui sont arrivés, on dit Normands, hein, mais c'est vraiment, ils viennent de toute la France, hein, c'est noble. Ils viennent pas seulement de Normandie, des aventuriers, des fils cadets qui voulaient se tailler une part de territoire en Angleterre, ils sont venus. Et ben là, en l'occurrence, il y a très probablement chez Wass une volonté de dire finalement, Arthur a battu les Saxons, les anglo-saxons. On a battu aussi les anglo-saxons, finalement. Il y a un siècle, bientôt un siècle, on a conquis, on a remplacé les Anglais. On est les nouveaux Arthur. On est les nouveaux Bretons. Cette dimension, finalement, eschatologique, je vous le dis, Arthur reviendra un jour, c'est peut-être encore plus fort si c'est quelqu'un qui n'est pas un Breton qui le dit, parce que ça veut dire, bah, si ça se trouve, il vient de chez nous, le nouvel Arthur. Il y a peut-être un peu de ça là-dedans aussi. Du coup, ça va conclure un peu ce qu'on va dire sur Wass. Donc ça, c'est les principales innovations qu'on trouve dans son texte. Après, c'est généralement pratiquement le même livre, hein, c'est pratiquement les mêmes événements. Mais il va avoir beaucoup de succès aussi. Et il va être la base de la prochaine traduction qu'on va voir, de Lachmann justement, qui va pas se baser directement... Il semble que Lachmann se base pas directement sur le texte de Geoffrey. En tout cas, il le dit pas, non. Il semble effectivement qu'il ne se base pas sur Geoffrey. Peut-être qu'il l'avait, mais on sait pas sûr. En tout cas, il reprend des éléments. C'est à partir de Wass qu'il va faire sa traduction en anglais, tout cas ce qu'il dit. Dont on va vous parler maintenant. Alors ouais, le brut de Lachmann, alors bon, le nom déjà de Lachmann est un peu compliqué à prononcer. Oui, il y a plusieurs orthographes d'ailleurs. Ah oui, alors il y a en fait deux manuscrits qui survivent du brut de Lachmann. Il y en a un manuscrit de la fin du... Enfin, les deux manuscrits sont de la fin du XIIIe siècle. Il y a un des manuscrits qui est un peu plus, peut-être pas primitif, mais qui est peut-être un peu plus ancien effectivement que l'autre. C'est celui-là qui nous donne la lettre, le yoch dans le nom de Lachmann, cette lettre un peu en forme de 3, qui est souvent rendue par une espèce de Z à queue... dans les versions imprimées entre le 19e et le 20e siècle. En fait, c'est une lettre qui dérive du G anglo-saxon, puisque le G insulaire, à la base, rendait toutes les lettres G, sauf qu'en anglo-saxon, ça recouvre des sons qui vont entre le... surtout s'il y a une voyelle après, le Y ou le R, en plus de sons comme G. Et une bonne illustration de ça, c'est We Gardena in Hjardarum dans Beowulf. Tu as les trois sons, le Gar, le danois à la lance, Gardena, Hjardarum, les days of yore, les jours d'antan, donc Hjard, ça veut donner jour, et Darum, bah, en l'occurrence, le yore est tombé, mais c'est le jour. Ça se prononce. Donc les trois fois, ce serait écrit avec la même lettre. Voilà. Et en anglais, en l'occurrence, on est en anglais qui devient du moyen anglais. Sous l'influence des scribes normands, ils ont poussé pour l'utilisation d'une lettre différente pour les sons G durs. Et en l'occurrence, c'est cette lettre carolingienne qui est restée pour les sons en G. Et du coup, le yore, c'est un peu issu de cette lettre insulaire, ce G insulaire qui s'est ouvert. Et qui a petit à petit disparu. Il a été remplacé par Y quand c'est des Y et par GH quand c'est des sons un peu en R. Mais en l'occurrence, pour Lachmann, il est souvent écrit Layamon, voilà, ou parfois dans des vieux catalogues de bibliothèques français, Lazamon, parce qu'il voit le Z à queue, il dit c'est Lazamon. C'est ça. Beaucoup de gens l'appellent Lohmann parce que c'est l'écriture, c'est la version traduite de son nom littéralement. Lachmann, c'est un nom d'origine norroise, c'est ça qui est assez intéressant aussi. Son père, on va le voir, il a un nom anglo-saxon, donc peut-être que sa mère était d'origine norroise ou qu'il avait de la famille là-bas. Lachmann, c'est l'homme de loi. Donc c'est peut-être un nom de famille, c'est peut-être un diminutif. On pense que c'est son prénom quand même. Donc pour moi, c'est-à-dire des immigrants danois ou... Alors ce serait... une hypothèse veut qu'effectivement ce soit des gens qui sont peut-être venus plus à l'est, ou alors qu'ils soient issus d'une mère qui peut être irlandaise, parce que l'Irlande à l'époque était gouvernée justement par des vikings. C'est peut-être issu de ça. Lohmann est souvent utilisé par certains chercheurs qui travaillent sur lui, parce que déjà c'est plus simple à prononcer, si tu comprends tout son nom, c'est l'orthographe qui a été retenue par le deuxième manuscrit. Peut-être deux mots sur ces manuscrits, les deux sont issus de la bibliothèque cottonienne. La bibliothèque cottonienne, c'est cette fameuse grande bibliothèque collectionnée par le plus qu'un homme d'État, un Renaissance man, vraiment, littéralement, de ce Robert Cotton, justement, qui vivait au 16e, 17e siècle. Et il a collectionné en fait beaucoup de livres très très importants. Le manuscrit de Beowulf fait partie de ceci, le manuscrit de Sir Gawain, Chevalier Vert, des tas de manuscrits sont issus de cette bibliothèque. Et en l'occurrence, les deux, il conservait les deux. Ils sont aujourd'hui partie de la British Library, comme la plupart des manuscrits d'Robert Cotton. Et on les désigne donc comme manuscrit Cotton Caligula A9 et comme manuscrit Cotton Otto C13. Cotton Caligula, on l'appelle le manuscrit Caligula pour faire simple, parce que c'est l'étagère sur laquelle il se trouvait avait un buste de Caligula. À son sommet, Otto, c'est Otto, l'un des successeurs de Néron. Le manuscrit Caligula est plus ancien, légèrement plus ancien, il est aussi plus complet. Enfin, il contient non seulement le Brut, qui est la plus grosse part, mais des poèmes anglo-normands, des vitsa anglo-normandes, un autre poème en moyenne anglaise célèbre qui s'appelle La Chouette et le Rossignol, le Hibou et le Rossignol, The Owl and the Nightingale, qui est à peu près contemporain avec le Brut. Alors que le manuscrit Otto ne contient que le Brut, et c'est une version condensée du Brut. Il a été en plus endommagé pendant le fameux incendie qui a notamment endommagé le manuscrit de Beowulf au XVIIIe siècle, quand la collection cotonienne était conservée près de Westminster. Le manuscrit Otto, lui, est non seulement condensé, donc il est aussi écrit dans un langage un peu plus moderne. C'est une des particularités du manuscrit Caligula, c'est un langage qui est très archaïque pour un manuscrit copié à la fin du XIIIe siècle, donc il n'a visiblement pas été modernisé, alors que le manuscrit Otton est plus proche d'une prononciation moderne. Certains pensent que le manuscrit Otton, notamment Françoise Le Saux, qui est une des grandes chercheuses, qui se trouve être une chercheuse qui a travaillé à l'Université de Lausanne, justement, sur l'Hermann dans les années 90, a travaillé là-dessus et pense que c'est possible que le manuscrit Otton soit le reflet d'une performance orale. C'est-à-dire que la personne aurait lu d'un manuscrit à la graphie plus ancienne et que du coup, ça aurait donné une orthographe plus modernisée parce que, Quelqu'un qui l'aurait dicté à un scribe pour ça quelque chose. Ça pourrait effectivement être le cas, mais elle penche plutôt pour une performance parce que ça expliquerait aussi le fait qu'il manque des bouts, qu'il y a des bouts qui soient condensés différemment. Mais c'est aussi possible simplement que le texte a été délibérément modernisé à un endroit. Le manuscrit Otton donc omet des choses, fait quelques petites erreurs de transmission qui font que généralement on le considère comme moins autoritatif, mais il n'est pas plus proche essentiellement du manuscrit original que le manuscrit Caligula. Il faut bien s'en souvenir, l'un n'est pas issu de l'autre, et en plus, le manuscrit Caligula a aussi on sait qu'il a aussi quelques étapes entre le manuscrit original et lui. Le texte original, lui, on va le voir, c'est difficile de le dater, et pour ça, il faut peut-être se plonger justement sur l'introduction que donne Lachmann à son œuvre. Il a un assez long poème dans lequel il décrit son processus créatif, et ça c'est assez intéressant. Il nous dit justement son nom, c'est comme ça qu'on le sait. An Pleos Wes en Leoden, Lachamon Wes Ihochten. Donc un prêtre vivait dans ce pays qui s'appelait Lachamon. He Wes Leoenades Sonne, donc il était le fils de Leoenath. Et à partir de là, il nous dit qu'il vit à Airlie, qui est dans le Worcestershire, près de la rivière Severn, donc à la frontière avec le pays de Galles. Il lit des livres. Donc il est suffisamment compétent en matière littéraire pour pouvoir faire son but. Et en fait, il veut relater, il veut « of Anglais, the Adeline Tellen », donc relater les nobles origines des Anglais. Donc son but est clairement de créer une histoire des Anglais. Et pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser des livres. Il va prendre un livre en anglais, évidemment, « Da Engliska Bok da Make de Saint Beda », donc c'est l'histoire ecclésiastique du peuple anglais de Bede, mais dans sa traduction anglaise. La traduction qu'on qualifie d'Alfredienne, même si elle n'a probablement pas été qualifiée par... Elle a été faite sous l'ordre d'Alfred, mais probablement pas par Alfred lui-même. Et il prend un livre « En latin de Marque de Saint Alban et de Fer Austin ». Donc Austin, c'est Saint-Augustin, probablement, de Canterbury. Albin, c'est un abbé de Canterbury après Saint-Augustin. On ne sait pas très exactement de quel livre il s'agit, c'est peut-être que ce soit un livre... Certains ont pensé que ça pouvait être une version latine de Bede et que du coup, il se trompe complètement et qu'il est un peu idiot, mais... Mais on l'a, en tout cas, on l'a pas. Ouais. On n'a pas de trace. Ça pourrait être un livre qui compile des échanges, notamment des lettres de Saint-Augustin et le pape Grégoire, par exemple. C'est aussi possible qu'il essaie de faire croire qu'il a retrouvé une source, ou alors qu'il a vraiment une source, qui a servi à Bede. Parce que Bede mentionne Albin, justement, comme son maître à penser, son mentor. Et il nous dit aussi qu'il a pris un livre, Dama Cadet à Francis Clerc, Wasse Wesse Horton. Donc il a pris le livre de Wasse, et c'est sa source principale, en fait, même s'il ne le dit pas explicitement. Et il nous dit que Wasse. Heoyef dare Adelen Alienor de Wes Henry Esquene de Heyes Kinges. Donc que Bede a donné son livre. Yef, donc c'est ce give qui n'est pas encore un dur là, à la noble reine Aliénor qui était, et c'est important, la femme du roi Henri. Alors si on doit supposer que c'était après la mort du roi Henri, parce qu'elle était la femme du roi Henri, et que c'était avant que son petit-fils Henri III épouse une autre Aliénor, et qu'elle est peut-être toujours vivante, elle est peut-être morte, on ne sait pas, on pense généralement qu'il a écrit son texte autour du règne de Jean sans Terre. Peut-être à la fin du règne de Richard Cœur de Lion, mais enfin, c'est plus probablement autour du règne de Jean sans Terre. Quelques petites références dans le texte qui comparent la situation des ruptures notamment entre Rome et la Bretagne, et des petites allusions qui pourraient être la rupture entre notamment le pape et justement Jean sans Terre. Donc on suppose qu'il écrit à cette mensée charnière entre la fin de, enfin vers la fin des derniers rois, une perte petit à petit du pouvoir pour les rois Plantagenet, parce que Régent Santerre va perdre en partie notamment son autorité avec la Magna Carta, la révolte des barons. C'est un moment assez charnière pour l'Angleterre. Et il écrit lui en anglais, ça c'est intéressant, il veut dire une histoire des Anglais dans une Angleterre qui est essentiellement normande, en tout cas d'autorité, et il va le faire dans la langue anglaise, donc dans une langue qui s'adresse pas forcément à une haute noblesse, là pour le coup, on sait pas très bien à qui il s'adresse, c'est peut-être ce qu'on appellerait des bourgeois, des gens, disons, une classe populaire, mais notable, pas forcément noble, mais en tout cas littéraire, lettré, ou peut-être de la petite noblesse régionale, c'est possible aussi. Il mentionne dans le manuscrit Othon, justement, mentionne qu'il vit avec un chevalier. Alors ça pourrait être justement une famille pour laquelle il travaille également. Parce que oui, si on regarde par rapport aux œuvres qu'on a vues plus tôt, il s'inscrit clairement, il reprend Wasse qu'on vient de voir, il reprend Bede qu'on a vu dans le premier épisode. Et comme tu dis, le facteur qui est vraiment le plus important, enfin, dans le grand schéma de l'histoire arthurienne, c'est que c'est le premier anglais à nous parler, à nous faire une histoire d'Arthur vraiment en anglais. Voilà, et c'est le premier anglais à le faire, c'est le premier à mentionner Arthur, parce qu'on a vu que Bede mentionnait l'environnement arthurien, disons, sans forcément s'y intéresser de très près, et c'est Larman qui va le faire. Et c'est intéressant parce qu'il veut dire une histoire des Anglais, mais il va prendre pour ça essentiellement comme source principale une histoire britannique. Il va pas, il veut vraiment relater l'arrivée des Anglais en Bretagne. Le problème qu'il va avoir, c'est que l'Historiagum Britanniae et le roman Brut de Wasse sont assez positifs pour les Bretons et pas tellement pour les Anglais, enfin pour les Anglo-Saxons qui arrivent, c'est les méchants quoi de l'histoire. Oui, c'est ceux qui mettent fin au royaume d'Arthur. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est là qu'intervient une des distinctions assez importantes que va faire, enfin pas forcément une distinction que va faire spécifiquement Larman, mais quelque chose sur lequel il va insister. C'est que pour lui, les Anglais et les Saxons, c'est pas la même chose. Les Saxons arrivent, sont battus par Arthur, sont battus par ses successeurs. Et au bout d'un moment, ils partent. Il y a les gentils Anglais qui arrivent à la place des. Et à la fin, les Anglais sont un peuple qui a de la même origine que les Saxons, mais qui est distincte, et qui arrive, mais vraiment à la fin, quand ils sont chrétiens, ça c'est important, ils sont vite christianisés, pour devenir correct. Ils sont vite christianisés, et surtout ils viennent quand les Bretons, après, face aux guerres, contre les Saxons, ont commencé à se taper parmi, à se poignarder dans le dos. Ils arrivent en fait dans une situation où les Bretons ne sont plus finalement ce peuple élu qui était le méritait de régner sur l'Angleterre, et du coup les Anglais sont la succession logique. Et du coup c'est pas forcément surprenant, mais disons c'est assez intéressant de voir la façon dont il va s'arranger pour montrer la duplicité des Saxons, la méchanceté de ces peuples germaniques et la bonté et l'intérêt d'Arthur. Alors c'est difficile parce que il n'a pas forcément que ces sources-là, il utilise d'autres sources. On sait qu'il utilise très probablement Geoffrey of Monmouth, en tout cas la Vita Merlini, parce qu'il s'intéresse à Merlin. On sait qu'il a recours aux prophéties de Merlin, donc soit les versions qui circulaient séparément, soit plus probablement, parce que ça me semble improbable qu'il n'ait pas eu accès à l'Historiagum Britanniae, justement la version de l'Historiagum Britanniae, parce qu'il rajoute souvent des prophéties que Wasse a enlevées. Ouais. Il s'intéresse à Merlin comme personnage prophétique, justement, il s'intéresse à ces notions de prophétie. Mais il semble assez ambivalent par moments, parce qu'il y a d'autres moments où, quand il va parler par exemple de l'instauration de la table ronde, il mentionne la table du roi. Il nous dit que « This was that ilke board that Brutus of Yelped, and suyeth fiole cune lesinge diath rudet and king. » Donc c'était la table à propos de laquelle les Bretons Yelp se vantent. Aujourd'hui c'est yelping, c'est vraiment queené, mais là ça se vantait. Se vante. Et il raconte des... Alors lesinge, c'est difficile à traduire. C'est peut-être le mensonge, mais ça peut être aussi les fables. Ouais. Alors, semblerait que c'est quand même ce sens assez proche de mensonge, plutôt que fable. Alors, il est quand même assez ambivalent par rapport à ça. Il semble dire qu'il y a quand même des histoires qui circulent qui ne sont pas entièrement vraies. Ça se rejoindrait à ce que disait... Ce que disait Wasse. Du coup, comme dit Wasse, par moment, il semble assez douteux de certaines histoires qui circulent sur Arthur. Mais il est quand même assez positif sur Arthur en général. Il va, par exemple... à la fin de son texte arthurien. Donc malgré tout cette ambivalence, il a une positivité quand même qui est assez présente. Il va, quand Arthur affronte des Saxons, il va lui dire à quel point Arthur est noble et juste, mais en même temps à quel point les Saxons sont traîtres. Ils promettent à Arthur, par exemple, à un moment de partir et de s'en retourner dans leur pays et de plus revenir. Et à peine ils sont sur le bateau, qu'ils disent « En fait, on aimait bien piller la Bretagne et on s'amusait bien, quand même, c'était un chouette jeu. » Ils parlent beaucoup des Saxons comme jouant à la guerre, en fait. Prenant du plaisir pour qui c'est un jeu, le massacre, par opposition aux Anglais. Et c'est peut-être là que vient des bouts les plus intéressants de son texte, finalement. Quand il vient le moment de mentionner la mort d'Arthur, tout à la fin, il continue de nous raconter, justement, sur le passage d'Arthur en Avalon. Il va nous dire... Thou es hiti worthen, that Merlin say the whilen, that were unimete care of Arthur's forth fare, Brutus ilvede jette dat het bonon live, en unien in avalun mit feres tal realwen. En locid ore Brutus jette quan ardur cumen lide. Nis nauer demoniboren of nauer nanebur deicoren, de cune of dansode of Arture suien mare, bute huile wes an witeie merlin ihate, e bode de midworde his quires queoron sode, dat an ardur schulde jette, cum anglen tu fulste. Donc cette dernière phrase, enfin toute la, le paragraphe, donc tout le paragraphe se traduirait par ensuite arriva ce que Merlin avait fait comme prophétie, qu'il y aurait un deuil au-delà de la mesure pour la mort d'Arthur, et les Bretons croient encore aujourd'hui qu'il est vivant et qu'il vit en Avalon avec les plus belles des elfes. C'est le premier qui a introduit ces elfes. Il mentionne que notamment la côte de maille d'Arthur est faite par la forgeron elfe. Il mentionne que c'est des elfes qui vivent en Avalon. Il se fait emmener par une fée qui s'appelle Argante. C'est ça. Et ça, alors Argante, c'est peut-être dérivé de Morgane. Peut-être. C'est un nom qui dérive peut-être de Morgane. Semblerait en tout cas que cette mythologie sur les fées et les elfes, il la tire de sources galloises. Et probablement de sources galloises, ça c'est la supposition de Françoise Le Saut, mais qu'il avait peut-être un informateur ou des gens qui connaissaient les légendes galloises, le folklore local, et qui pouvaient lui expliquer des trucs. Il mentionne notamment des bouts de triade par moment, mais qu'il ne semble pas avoir très bien comprise. Il parle, il dit « Ah, ça c'était une des trois grandes batailles qui se sont faites en Bretagne », mais il ne dit pas exactement de la façon correcte, il semble mal se souvenir. Donc c'est peut-être qu'on lui a dit des bouts de trucs qui sont mal souvenus. Son nom pour Guenièvre, c'est un Gwenaefer, donc c'est très proche du gallois. « Kay », il l'écrit comme « Kay » en gallois. Donc, il n'utilise que quelques noms comme ça, donc c'est peut-être que ce soit des noms locaux, c'est-à-dire pour les personnages, il vit apparemment pas loin du Pays de Galles, mais peut-être aussi qu'il avait justement un personnage qui racontait ses histoires avec ces noms comme ça. Mais il semble clair qu'en tout cas, il ne maîtrise pas le gallois parce qu'il n'a pas accès à ses textes. Par contre, même s'il n'a pas accès au gallois, même s'il voit une distance avec lui, il nous dit, donc, dans ce paragraphe que je traduisais là, il nous dit qu'il vit avec ses elfes. Les elfes sont plutôt germaniques, hein, comme mot, c'est un mot d'origine germanique, mais il l'applique ici à un mythe gallois. Breton. Il dit que les Bretons attendent encore à l'heure actuelle le temps où Arthur reviendra. Mais personne né d'une noble dame ne peut dire beaucoup plus de la vérité sur Arthur. Mais il y avait une fois un prophète nommé Merlin, donc il répète sur Merlin, qui a prophétisé, et ses paroles étaient vraies, qu'un Arthur, bon, c'était bien un Arthur, hein, pas Arthur, devrait une fois encore venir aider les peuples d'Angleterre. Alors, les peuples d'Angleterre, ça c'est une traduction un peu difficile. Il dit « cum England ». Mais est-ce que c'est les Anglais ? Ce qui semble être un peu un saut assez brusque à faire pour dire que ces Anglais ne sont quand même pas spécialement les peuples d'Arthur à la base. Les peuples d'Angleterre. Donc, il semblerait qu'il y ait une notion qui arrive quand même là-dedans que Arthur est potentiellement un sauveur de toute l'Angleterre et des peuples anglais et qu'il y a une notion peut-être au-delà de l'opposition anglais, normand, breton, qui est une volonté d'unification là-dedans. Et c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement, d'ailleurs même dans l'état d'esprit anglais, que Arthur reviendra. Ça n'a pas porté beaucoup bonheur au prince nommé Arthur, mais il y avait un frère de Jean Santerre et de Richard qui s'appelait Arthur, il y a Arthur, le frère aîné d'Henri VIII, ouais, qui est mort avant de pouvoir accéder au trône, sans qu'il n'y aura peut-être pas une réforme anglaise. Mais il y a eu, en tout cas... C'est là qu'on voit la naissance de cette mythologie d'Arthur qui peut revenir pour aider plus que les Bretons. Et c'est ça qui est assez intéressant avec Lahrman, c'est qu'il n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en train purement d'approprier ça, soit pour faire d'Arthur un ennemi, soit pour faire d'Arthur un héros anglais. Il maintient une distance, mais il voit l'intégration future, peut-être, d'une certaine façon, des Anglais, des Bretons, des Normands, dans une unité. Et il est possible aussi qu'effectivement, là-dedans, on voit... un idéal de royauté qui est peut-être un peu absent s'il vit à l'époque de Jean Santerre, en tout cas. Mais est-ce qu'il a tant de marge que ça pour élaborer un récit original ? Parce qu'au moment où il écrit, c'est quand même une tradition qui est bien établie. Alors c'est ça, c'est difficile à dire à quel point il veut être particulièrement... C'est difficile de dire à quel point il veut être particulièrement novateur. C'est difficile de dire à quel point il veut être particulièrement, nouveau, si on veut. Mais... Il est effectivement, il s'inscrit dans cette lignée assez précisément. Il suit Wass d'assez près. Il s'étend sur pas mal de trucs. D'autant que Wass n'est pas très disert souvent. Il est beaucoup plus positif que Wass par contre par rapport aux Bretons par exemple. Donc c'est vraiment des appréciations. Wass dit des Bretons qu'ils ont perdu toute leur tradition, qu'ils ont vraiment aujourd'hui c'est vraiment des ploucs qui ont oublié de la noblesse de leurs ancêtres. Bah des ploucs, les ploucs c'est les Bretons en France. Donc je pense que le plouc, le mot plouc vient de désigne les Bretons de Bretagne qui arrivent à Paris. De Morino. Donc oui, parce que les ploucs, ils ont tous des noms en plouc dans l'endroit d'où ils viennent, les ploucastels, les ploucs. Ça veut dire la paroisse en breton. Bref, Wass dit du mal des Bretons, alors que Larman prend bien la peine de dire non, les Bretons, c'est des gens très sympathiques, enfin pas très sympathiques, mais disons qu'ils sont très nobles. Encore aujourd'hui, ils maintiennent ce qui incite le sceau à penser, ils maintiennent les traditions, ils maintiennent le respect pour les coutumes de leurs ancêtres, ce qui incite le sceau justement à penser qu'il peut avoir justement connaissance de ça. Alors il y a des théories un peu bizarres sur comment, pourquoi il a développé ce goût pour le. Il paraît probable qu'effectivement, s'il vit dans une zone frontière, qu'il a accès à ça, il peut rencontrer des gens, que ça a peut-être traversé la frontière, que les gens anglais, mais qui vivent dans la région du Worcestershire, peuvent avoir absorbé des coutumes. Peut-être aussi qu'une partie de ça, c'est effectivement une ouverture d'esprit, une volonté peut-être. Il se dit, bah voilà, de toute façon, il y a les conquêtes normandes, on peut pas simplement opposer une distinction breton-anglais nette. De toute façon, les Normands, on est tous finalement sous le normand. Certains ont voulu voir dans ça le fait que, bah, justement, il est vécu en Irlande. Certains ont dit, ah, il a un père de nom bien anglais, mais son nom est norrois. Il peut avoir, peut-être sa mère était irlandaise, son père était un voyageur qui a vécu en Irlande, qui l'a ramené après, et que c'est de là qu'il tire son goût pour la mythologie celte. Ça semble assez improbable quand même. C'est très très hypothétique évidemment, mais c'est des théories qui je pense pas valent grand chose. Je pense que c'est beaucoup plus simple de se dire, c'est un prêtre, il vit dans ce coin-là, il a accès à d'autres sources que Wass savait par exemple. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a aussi un élément assez intéressant, c'est que il importe une culture qui est cette culture arthurienne, qui est une culture qui est quand même assez courtoise pour les Français, qui ont absorbé alors ces textes gallois via Chrétien de Troyes, via Wass, via Geoffrey. Et finalement, ben, il nous dit ça un peu pour mettre les Anglais dans la confidence, peut-être. Est-ce qu'il est en train de donner à la littérature anglaise des lettres de noblesse en important un texte? Il nous dit pas « je veux traduire Wass pour que mon peuple anglais ait accès à la grande culture », il dit « c'est pour dire l'histoire du peuple anglais ». Donc peut-être qu'il y voit aussi une raison, une possibilité de présenter une bonne image du peuple anglais, de donner du prestige et l'aide de noblesse à une littérature. Après, c'est vrai, comme je dis, hein, les textes de l'époque, si tu regardes des textes du 13e, début 14e siècle en moyen anglais, ça va être des traductions. Même les textes littéraires de ce genre-là, le lait d'Havelock, par exemple, qui est un lait anglo-normand, est traduit et devient Havelock de Dane, Havelock le Danois. Des textes comme ça vont devenir la norme, la traduction justement de textes anglo-normands en anglais. C'est les débuts de la littérature anglaise, elle est là en fait, en moyen anglais en tout cas. C'est vraiment des traductions. Il y a peut-être le but de justement ouvrir la culture anglo-normande dominante et de la transmettre à des gens qui n'ont pas forcément le français comme langue principale. C'est aussi, mine de rien, un moyen d'atteindre un public, peut-être que les nobles qui dirigent le château où ce Larman vit peuvent parler français, mais s'ils veulent faire en anglais, ils s'adressent entièrement à eux, ils s'adressent à leurs courtisans. Il ne faut pas voir ça comme s'adressant à une personne en particulier, peut-être aussi il faut voir ça comme s'adressant à des lieux sociaux où peuvent se retrouver. Sociale. Même classe sociale, ça me semble trop restreint, parce que si tu fais un texte comme ça qui peut être lu dans un château, tu ne vas pas avoir seulement les nobles, tu ne vas pas seulement avoir les courtisans, tu ne vas peut-être pas seulement avoir les gens bien éduqués qui travaillent pour eux, mais ça peut être aussi des gens qui sont des servants, ça peut être aussi des artisans qualifiés qui sont là, ça peut être... Disons, ça ne recouvre pas, je pense, une classe sociale, et ça ne recouvre même pas, je pense, un public linguistique extrêmement restreint, puisque ça va petit à petit se transmettre plus loin. Le fait qu'une version modernisée, dans la version auto-circule aussi, peut-être indique qu'il y a une notion que ce texte est un peu archaïque, et du coup, il est difficile à comprendre, du coup, on le traduit. Mais vu qu'on n'a pas beaucoup d'idées sur la transmission... Parce que du coup, si on n'a que deux manuscrits, on ne sait pas exactement quel succès il a eu, ce texte. Voilà, c'est très difficile à dire. C'est possible, c'est sans doute qu'il y en a eu au moins 4 ou 5 de manuscrits, vu qu'on, en raison de la filiation, bêtement. Hein. Si on a un manuscrit original, un manuscrit à la part duquel Othon est copié, et donc le manuscrit intermédiaire entre l'original et Larman, ça nous fait minimum 3 manuscrits en plus, sans compter les manuscrits éventuellement descendants. Donc, ça implique quand même une certaine circulation, plus loin que le petit... Mais c'est vrai que si on compare à Wass ou à Geoffrey, là, on est... Ah non, alors c'est clairement... C'est rien du tout. Mais bon, voilà, Geoffrey circule aussi en Europe continentale, Wass circule aussi en Europe continentale, c'est ça des choses que Larman ne peut pas faire. c'est quand même intéressant de voir qu'il est copié aussi tardivement après l'écriture. Hein. Si, même si on prend une écriture tardive, on se dit qu'il a été écrit autour de 1230, ce qui n'est pas tellement quelque chose que je verrais comme probable, mais c'est une possibilité, effectivement. Ça reste quand même quelque chose qui est copié relativement tardivement après. Donc, les enjeux ont déjà commencé à changer quand ces manuscrits circulent. Donc, l'idée qu'on se fait du texte en fonction de la circulation avec les manuscrits est quand même difficile. C'est différent de ce que ça a été quand ça a été composé, ça c'est sûr. Après, le fait qu'il circule le meilleur manuscrit qu'on a conservé, soit dans cette langue très archaïque, mais avec des textes en français à côté, hein, c'est à penser que bah, les personnes, en tout cas quand on a copié ce texte, ont cherché à se dire ah, bah, ça peut s'adresser à un public bilingue. Ce ne serait pas simplement un truc qui s'adresse à un petit peuple anglais qui n'est pas capable de comprendre les gens arthuriens. Voilà, c'est difficile à dire exactement pourquoi ça a été fait, parce que ce n'est pas du tout comme Wasp pour lequel on sait que ça a été fait vraiment pour aligner la dynastie. Enfin, on sait, on peut deviner assez facilement les circonstances autour de Was, on peut imaginer une bonne raison assez facilement. Pour Lahrman, c'est beaucoup plus compliqué. Les motivations qu'il nous donne sont comme assez vagues. Les sources qu'il utilise sont comme très variées. Et puis ce qu'il dit est très ambivalent. On l'a dit, hein, il est pas toujours très très sympathique sur la réputation des conteurs gallois. Mais par moments, il semble dire que les prophéties de Merlin sont tout à fait correctes et vraies, alors que par exemple quelqu'un comme moi, c'est pas les traiter parce que il sait pas si elles sont vraies, il sait pas ce qu'elles racontent. C'est très bizarre. Ça serait peut-être un peu abusif de dire que Lahrman a une volonté œcuménique, mais il y a une volonté, disons, de rassemblement, d'inscrire l'histoire des Anglais dans un continuum et comme part d'une plus grande histoire de cette île. Et finalement, une continuité entre les Bretons et les Anglais, plus qu'on pouvait l'avoir peut-être chez Wass et chez Geoffrey. Et il y a une volonté là-dedans de faire participer les Anglais, finalement, au gouvernement, à l'histoire du gouvernement d'une île, finalement. Tout jusque-là, dans la doxa historique, finalement, ils étaient un peu en dehors de leur propre histoire. Ils semblent être un peu la troisième roue du carrosse, quoi. Alors, donc Lahrman ajoute pas grand-chose sur le plan narratif. On l'a dit, c'est une adaptation d'Oise qui était lui-même une adaptation de Geoffrey de Montmartre. Donc si vous avez écouté notre dernier épisode, vous avez la plupart des épisodes en tête. Il y a quand même quelques innovations, on en a déjà mentionné certaines. Donc déjà, Arthur est emmené en Avalon, confié à la fée Argante, donc une Alwen, une elfe. Une elfe. Plus on dit une fée, généralement. C'est probablement Morgane, une variation de Morgane, parce que le M initial disparaît souvent dans le passage anglais, donc... C'est peut-être là que ça vient, effectivement. Et les fées ont un autre rôle dans la vie d'Arthur, c'est qu'à sa naissance, elles le bénissent, enfin, elles lui permettent de vivre longtemps et d'être le meilleur des chevaliers. Elles lui donnent une bénédiction à sa naissance, qui est peut-être liée à un thème qu'on va voir après, c'est le chevalier qui est élevé par une fée, typiquement Lancelot avec la Dame du Lac à partir du Lancelet de Ulrich von Satzikoven. Il y a aussi une emphase sur le retour d'Arthur qui est beaucoup plus certain que chez Was, c'est-à-dire que Was, si on attachait des petits bouts ensemble, on pouvait dire « Ah, il a dit que Merlin avait dit ça, et il dit que Merlin est un prophète », donc tandis que chez Lahrman, c'est beaucoup plus ouais, mais par frontal. Contre, il dit que c'est un Arthur et pas Arthur, donc il y a peut-être aussi la notion Arthur. Que c'est pas Arthur littéralement qui va revenir, hein. Ça semble aussi un peu plus vague de cette façon-là, mais enfin, il y a un retour, il y a une notion de retour beaucoup plus mise en emphase en tout cas. C'est-à-dire qu'il nous raconte qu'il y a une émeute qui se déclenche, donc un peu comme chez Was. Les gens se lancent de la nourriture, se battent, puis ils en viennent carrément aux armes. Arthur fait tuer le déclencheur de l'émeute et il tue tous ses proches masculins et il coupe le nez de toutes les femmes de sa famille. Donc on a aussi un côté un peu plus... Oui, il est un peu sanguinaire par moment, Arthur. Après cette punition sévère, il y a un menuisier qui se vante qui peut faire une table où il y a 1600 chevaliers qui peuvent s'asseoir sans place d'honneur. Donc cette table ronde avec 1600 chevaliers, c'est aussi là l'origine où vous allez après avoir des listes interminables de chevaliers. Parce que bah, si on a 1600, il faut les remplir. Ça semble un élément aussi peut-être d'origine galloise, le menuisier magique qui peut faire des trucs comme ça... C'est peut-être aussi lié à des histoires comme l'histoire de Wayland, le forgeron germanique. Donc c'est possiblement une histoire peut-être plus ancienne, effectivement, qu'il insère là-dedans. Un élément qui est intéressant pour la fin de l'histoire d'Arthur, c'est qu'il rêve de sa chute. Il rêve que Guenièvre et Mordred vont le perdre. Donc on rappelle, Mordred et Guenièvre le trahissent et Mordred marie Guenièvre prend le pouvoir à sa place alors qu'il est le neveu d'Arthur. Donc Arthur a un rêve où il voit Mordred qui abat les colonnes qui tiennent le toit d'un hall, un grand hall dans lequel il se trouve, et il voit Guenièvre qui a fait tomber le toit à main nue sur lui. Et donc, dans la chute, il se casse le bras, et ensuite, il coupe la tête de Mordred, et il coupe Guenièvre en morceaux. Et en effet, dans la suite de l'histoire, il tue effectivement Mordred, mais il tue pas Guenièvre. Donc ça, c'est quelque chose Guenièvre, qui était... elle disparaît comme chez Geoffrey ou Wass. Elle rejoint apparemment un couvent à Kaer Léon. Ouais, c'est ça. Et on dit qu'on perd certains. Alors, c'est un peu compliqué parce que Lachman dit qu'elle est sunken in the water. Donc elle est disparue comme dans l'eau, en fait. Elle est coulée dans l'eau, littéralement. Ouais, mais c'est plus probablement une façon de dire. On n'a pas trouvé sa trace. Voilà, c'est sans laisser de trace. Bah, c'est une expression qui est en tout cas énigmatique. Donc on pense soit c'est une expression qu'on trouverait nulle part ailleurs qui voudrait dire disparue sans laisser de trace. Soit il y en a qui pensent, mais c'est beaucoup plus difficile à défendre, que ça ferait référence à un épisode oublié où Guenièvre se noie, par exemple, mais on n'a absolument aucune trace de ça, je crois. Voilà, je pense pas que ces éléments en particulier là soient spécialement novateurs, et je suis pas sûr qu'on puisse dire que ce soit, en tout cas, Lachman, grâce à Lachman, qu'il soit resté. Je pense que beaucoup d'éléments sont revenus effectivement par d'autres biais également. Bah, on le voit chez les Allemands, mais ça m'étonnerait en fait que Lachman soit vraiment celui qui les a autant codifiés que ça pour la littérature ultérieure, parce qu'il n'a pas tellement eu un public aussi présent. Je pense qu'il y a une influence en tout cas qui est importante chez Lachman, c'est sa forme en fait. Lachman utilise un vers qui est très différent du vers de Wass, qui utilise des vers assez simples en français, rimés, enfin, tout ce qui est plus simple. Lachman utilise une forme dérivée de la poésie anglo-saxonne qui n'est pas très très régulière, mais qu'on peut toujours reconnaître. C'est cette forme allitérative avec en principe deux accents sur les premières allitérations dans la première partie de la phrase, enfin de la ligne, deux autres dans la deuxième moitié du vers. Après, c'est pas très très régulier, il y va un peu parfois à la sulfateuse, mais il est dans cette dimension-là, allitérative, qui s'inscrit peut-être dans sa volonté aussi d'archaïsme. Il raconte une histoire qui est ancienne, donc par métonymie, il utilise un langage qui est délibérément ancien et une forme de vers qui est délibérément ancienne, parce qu'à l'époque, quand on regarde des romances anglaises, on en a aussi des qui sont rimées assez simplement. Et c'est peut-être là-dedans qu'il va avoir le plus d'influence, puisque bien plus tard, au XIVe siècle, des textes comme Sir Gawain and the Green Knight, comme la mort d'Arthur allitérative, en anglais, vont utiliser des formes de vers dérivés de cette forme, qui sont probablement issus pour eux de Lachman, pour marquer leur influence. Enfin, le fait qu'elle soit influencée par justement les narratifs du Brut, et spécialement les narratifs anglais. Mais en dehors de ça, je pense pas qu'on ait beaucoup de survivance de Lachman. Ben, quand on le voit quand Mallory doit écrire sa compilation générale sur son mort et Arthur. Sa compilation ultime. Voilà, il prend des sources qui sont surtout. Il utilise la mort d'Arthur allitérative et stanzaïque, mais formellement, c'est pas. Il fait de la prose et voilà. il s'inspire pas de leurs éléments spécifiquement anglais. Donc, Lachman, je dirais pas que c'est une impasse, mais disons que ça a eu moins peut-être d'influence que d'autres textes, à part cette influence formelle très spécifique. Bon, c'est vrai qu'il faut pointer deux choses. C'est d'une part, effectivement, dans la suite de l'émission, on va pas voir d'autres textes anglais avant un bon moment. Je pense avant les morts d'Arthur, on va rien voir qui soit en anglais, en fait. Bah, à part si on mentionne justement. On les mentionnera peut-être. L'aventure de Gauvin ici et là. Mais c'est vrai que la littérature arthurienne en anglais est très très dérivée de la littérature francophone, surtout à partir du XIVe siècle. Même des textes comme Sir Gawain et le Chevalier Vert, Sir Gawain and the Green Knight, sont quand même très inspirés par des romances francophones, enfin françaises, par des récits clairement pas anglais du tout, parce qu'il n'y a pas cette tradition de romance en anglais avant, assez tardivement, avant ces traductions du français de toute façon. Bon, c'est une tradition qu'on va retrouver par contre, par exemple, chez Tolkien. Enfin, c'est un intérêt qu'il a, très fort pour ces textes-là, parce que justement, les romances françaises, lui, ça l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse, c'est les histoires anglaises, germaniques. Typiquement, dans son intérêt pour Sir Gawain et le Chevalier Vert, mais aussi dans The Fall of Arthur, un poème allitératif qu'il a jamais terminé, mais qui est paru dans un état semi-édité par Christopher Tolkien en 2013. Donc là, par exemple, on a une continuité. Bon, ça, c'est parce qu'il est pratiquement obsédé avec les histoires anglaises. C'est une combinaison. C'est intéressant parce qu'il n'a pas beaucoup travaillé sur Arthur, hein, Tolkien, en dehors de Sir Gawain et le Chevalier Vert. Parce qu'explicitement, il ne s'intéresse pas aux romances françaises. Voilà. Bon, Sir Orfeo, qui l'est dit, est plus peut-être française d'influence que d'origine anglaise. Mais oui, effectivement, c'est un peu l'application d'une simple vérification qui connaît depuis par Beowulf, surtout, en fait. C'est par l'anglo-saxon, par le vieil anglais qui l'y vient. C'est peut-être plus qu'une adaptation du Brut, d'ailleurs, parce qu'il est très, il utilise une forme plus régulière que celle du Brut, et certainement que Sir Gawain et Chevalier Vert, qui ont des lignes assez longues par rapport à, justement, le Beowulf, qui est quand même une structure Je pense que c'est très proche de la mort Arthur. Ah oui, ça s'inscrit dans la lignée de ces chutes d'Arthur après son expédition en Europe. Et ça va être un peu la fin, d'ailleurs, on va le mentionner après, encore dans les morts d'Arthur mais c'est pas c'est une dimension qui va un peu disparaître, enfin passer sous silence en dehors de cette tradition des chroniques, justement, qui va rester quand on va s'intéresser aux romances, justement, et on va commencer à s'y intéresser avec Chrétien de Troyes. On prête beaucoup moins attention à ces aventures européennes d'Arthur. Il va parfois, alors il y a des légendes d'Arthur en Sicile, il y a des légendes d'Arthur dans notre région, il y a le chat de Lausanne, oui. Le chat palu. Qui ont été combattus par Arthur. Voilà, le Cath Palug, en fait, c'est peut-être probablement une altération d'un nom gallois à la base, mais enfin, il y a des régions, en tout cas, qui ont leur texte, qui ont leur légende sur Arthur qui vient chez lui. Mais il y a des régions qui ont leur propre texte sur Arthur qui vient chez eux. Mais dans l'ensemble, effectivement, ça va être quand même une dimension plus centrée sur l'île de Bretagne, ironiquement, parce que, je dis ironiquement, parce que la légende arthurienne va quand même s'européaniser assez fortement à partir de là. Ça va être tout pour aujourd'hui sur Wassel Hartmann, c'est traducteur de Geoffrey, qui justement nous amène aussi le fait d'avoir des langues vernaculaires, hein, c'est plus que des textes en latin, ce qui va continuer avec, quand les prochaines fois on verra Chrétien de Troyes, qui écrit aussi en français. On peut peut-être conclure avec un mot sur les sources, les livres qu'on a utilisés, ce qui est d'ailleurs un problème avec cela, par exemple, pour Wass, moi j'ai un peu consulté l'édition de Leroux de Quincy, je crois qu'il s'appelle, une vieille édition qui est pas terrible, mais que vous pouvez trouver en ligne. Je crois que, comme d'habitude, c'est un peu un crime philologique en termes de mettre ensemble des manuscrits. La grande édition de Hartmann, c'est celle de Frederick Madden pour la Société des Antiquaires de Londres en 1847. Elle est longtemps restée un texte de référence. Maintenant, il y a une version dans les Early English Texts, comme pour la plupart, l'édition de Brooke et Leslie, qui est un peu l'édition de référence, mais elle n'est pas lisible parce que vous n'avez pas, à moins de lire le moyen anglais. Il n'y a pas de traduction. Vraiment très bien, il n'y a pas de traduction, donc ça c'est vraiment une édition. Il y a une édition de Baron et Weinberg. Il y en a une à la fois qui contient tout le texte du Brut avec la traduction en page adjacente et une version qui concentre que sur la section arthurienne, qui sont trouvables en librairie, peut-être d'occasion, en tout cas en bibliothèque académique. Ouais. Mais peut-être la version arthurienne est peut-être un peu plus facile à acheter si vous voulez l'acheter, mais elle n'est pas complète. Si vous voulez vraiment lire les passages de Wass et l'Hartmann arthurien, il y a une version Everyman en prose, en tout cas en anglais, qui est assez lisible, mais qui est difficile à trouver. Je ne suis pas sûr qu'elle soit encore sous presse. Vous la trouverez peut-être dans des librairies d'occasion ou dans une bibliothèque universitaire. Il y a eu une très très bonne édition de Wass en anglais, une édition de Wass avec une traduction en prose en anglais à côté. Bon, c'est un peu dommage justement d'avoir un texte en anglo-normand et puis d'avoir une traduction anglaise. Oui, mais si on parle français, je pense que ça suffit pour comprendre le texte anglo-normand assez facilement. C'est l'édition de Judith Weiss à l'University of Exeter Press, dans la collection Exeter Medieval Texts and Studies. Ça s'appelle Wass's Roman de Brut, A History of the British Text and Translation. Donc c'est vraiment peut-être la meilleure édition de Wass si vous parlez anglais, parce qu'elle a tout le texte et une version accessible en prose. Maintenant, c'est pas forcément si vous êtes effectivement très attaché à la francophonie, c'est peut-être pas l'idéal. Il y a peut-être des éditions de Wass plus récentes en français, mais je suis pas tellement au courant, en fait, dessus. Non, c'est possible. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à moins que vous soyez vraiment mordu avec ce genre de choses, ces chroniques vous intéressent vraiment, ça vaut pas forcément le coup de casser votre tirelire si vous êtes juste amateur de textes arthuriens, c'est pas forcément les plus palpitants. Vous trouvez l'histoire des rois de Bretagne de Geoffrey en Penguin ou bien en Oxford, voilà. Si vous aimez l'anglais, ou bien je suis sûr qu'il y a une édition Gallimard trouvable. C'est-à-dire que si vous êtes intéressé purement aux éléments narratifs, il y a tellement peu d'innovations, on l'a dit, la table ronde, peut-être un peu ces êtres elfiques féeriques, quelques petits changements. Mais c'est très vite cher, très vite difficile à trouver comme livre si vous voulez pas vraiment étudier ça, quoi. Oui, c'est vraiment intéressant d'un point de vue philologique, d'un point de vue culturel, si vous vous intéressez vraiment à l'adoption de ces légendes par les anglo-normands, enfin ces français d'Angleterre, ou par, en l'occurrence, les anglais. Mais ça peut être des très beaux poèmes. Moi, j'aime beaucoup l'Hartmann parce qu'il y a des passages magnifiques, mais enfin, ça faut vouloir comprendre le moyen anglais pour ça, quoi. Donc, ça, si vous vous intéressez justement à. Juste au narratif, c'est de loin pas nécessaire pour être exhaustif. C'est sur ces paroles un peu peut-être pessimistes qu'on va vous voilà, acheter par ces livres. Comme tu y vas. Qu'on va vous quitter. Les prochaines fois, on va attaquer. Bon, là, ce sera tout de suite plus français. Chrétien de Troyes, ça devrait vous parler. Mais avant ça, on va faire un détour par une œuvre un petit peu plus récente, qui est d'ailleurs pas encore sortie. On va regarder, je pense qu'on vous fera un épisode sur King Arthur Legend of the Sword, si on a quelque chose d'intéressant à dire. Voilà, le film de Guy Ritchie. Vu qu'il y a, ça fait à peu près 7 ans qu'il nous parle de sa série de films arthuriens, donc on va aller le regarder. Sur pièce. Alors, ça, franchement, je pense que ça va être un classique instantané. Ça va être immédiatement... probablement ça, pas. Si ça me permet de moquer des gens qui me disent « Ouais, la seule référence Arthur en mettant au cinéma, c'est l'Excalibur de Borman. » Enfin, l'Excalibur de Borman est un film sympa, d'accord, mais... C'est ça, si, tant qu'on si, peut si, être... Si vous me dites « Ah, il faut être fidèle à la légende arthurienne, regardez ce qu'a fait Borman avec Excalibur. » Ouais. Non, ça peut être intéressant. Et puis là, c'est clair qu'on gardera quelque chose qui est un peu plus récent, quoi. Voilà. Mais ça sera peut-être l'occasion aussi de discuter un peu de l'adaptation, des adaptations arthuriennes contemporaines. Enfin, puis donner notre avis sur d'autres, comparer avec d'autres. Voilà, c'est quelque chose dont on a assez peu parlé et qui finalement est aussi un objet de notre étude. Donc ça pourrait être intéressant. Donc on vous dit à la prochaine fois. D'ici là, à plus. Ciao. Dans TV Nerd, je vous donne rendez-vous avec mes chroniqueurs pour passer en revue la vie des médias audiovisuels. Télé, radio, internet, tout y passe. Au programme de chaque épisode, retrouvez un condensé de l'actualité des médias, un bon gros dossier qui déboîte et nos recommandations de programmes à consommer sans modération. TV Nerd, c'est en direct un dimanche sur deux sur Radio Kawa. Salut, c'est Pipo. Salut, c'est Gotoz. On vous propose d'embarquer avec nous tous les mois pour écouter de la bonne musique de jeux vidéo. Du récent ou du rétro, de la console ou du PC. Tant que ça sonne, ça nous va. Des thématiques, de l'actu, des reprises et des invités. Le tout enrobé d'anecdotes. Pendant deux heures, on passe la musique de vos jeux préférés. Et on s'intéresse à ceux qui la font. On est les démons du midi, tous les mois sur Radio Kawa.